Chapitre 12e, Maître Hamelin. Pour l'intelligence des événements d'effet qui se préparent, il est nécessaire de retourner auprès de Pedro Diaz, qui se trouvait dans une grande perplexité depuis qu'il avait surpris l'entretien de Don José et de Carmela. Si le brave Texien avait repoussé son intention première de dénoncer ces deux misérables à la justice, d'autre part il comprenait qu'il ne devait pas se faire par son silence le complice de la spoliation de la duchesse. Il pouvait, il est vrai, accourir au château de Kerdal, mais il y rencontrerait inévitablement José qui venait de s'y rendre, et alors il serait contraint, par l'enchaînement fatal des choses, de brûler ses vaisseaux, autrement dit, de révéler le complot organisé contre Fernande et de plus, le double crime qui avait eu pour résultat de substituer le bâtard au fils légitime du duc de Clodion. Mais cette révélation, au moment où la jeune duchesse allait devenir mère, pouvait la tuer. Après de mûres réflexions, il prit un moyen mixte, c'était d'agir auprès du chargé d'affaires du marquis, maître Hamelin, notaire à Bannes, dont il avait entendu prononcer le nom le jour de son arrivée au château de Kerdal. Toutefois, par mesure de précaution, il jugea nécessaire de ne pas se présenter à l'étude de maître Hamelin sous son costume habituel. Il alla, en conséquence, à la belle jardinière, où il fit emplette d'un paletot brun qui lui descendait jusqu'à la cheville, d'un gilet et d'un pantalon de même couleur, et d'un chapeau de forme basse à large bord. Puis il entra chez un opticien, et il acheta une paire de lunettes bleues à branches d'argent. Ainsi accoutré, il se regarda dans une glace, et un sourire de satisfaction entr'ouvrit ses lèvres. Il ressemblait si bien à un bon bourgeois de province qu'il eut peine à se reconnaître. Sa transformation opérée, il héla un cocher de fiacre, se fit conduire au chemin de fer de l'Ouest, et prit un billet de seconde classe pour Bannes. Arrivé dans le chef-lieu du Morbihan, Pedro Diaz remarqua qu'il y avait grande affluence aux abords des rues principales. C'était jour de marché. La maison du notaire donnait sur la place, et ce ne fut qu'après avoir joué longuement et vigoureusement des coudes qu'il parvint à se frayer un chemin à travers les bipèdes et les quadrupèdes qui entravaient sa marche. Une vingtaine de clients, les uns assis, les autres debout, assiégeaient l'étude. Pedro Diaz avisa le maître clerc et lui demanda s'il pourrait parler à son patron. « Parfaitement, mais pas avant une heure ou deux, » répondit le clerc. « Très bien. Je suis à jeun. Je vais aller déjeuner et je reviendrai ensuite, » reprit le brave Texien. « C'est cela. Allez déjeuner. Je vous réserverai votre tour d'audience. » « À quel nom faut-il l'inscrire ?»« Le Galec, natif d'Auray, » repartit Pedro en prenant le premier nom breton qui lui passa par la tête. Le maître clerc inscrivit le nom donné. Le prétendu bourgeois d'Auray quitta l'étude, et voyant un restaurant de bonne apparence sur la place du marché, il entra et se fit servir à déjeuner. Une heure après, il était de retour à l'étude de maître Hamelin. Il n'y avait plus qu'un client à passer avant lui. Il s'assit et attendit. Quand son tour fut arrivé, le maître clerc lui fit un signe qui signifiait « Entrez ». Il poussa la porte du cabinet et se trouva devant maître Hamelin. « C'est vous qui êtes monsieur le Galec ?» lui dit le notaire en lui désignant un siège placé près de son bureau. « Le Galec n'est pas mon nom, » répondit Pedro Diaz. « C'est un nom que j'ai pris au hasard pour ne pas donner le mien à votre clerc. » Maître Hamelin regarda son visiteur d'un air surpris et lui demanda qui il était. « Avant de vous dire qui je suis, » repartit le Texien, « je désirais être certain que personne ne pourra entendre notre conversation. » Pour toute réponse, le vieux notaire se leva et poussa la porte capitonnée qui était restée ouverte. « Expliquez-vous maintenant, » dit-il. « Personne n'entendra ce que vous avez à me confier. »« Je me nomme Pedro Diaz et je suis l'ancien intendant du duc de Clodion. » « Mais n'êtes-vous pas toujours en service dans la famille du feu-duc ?» demanda maître Hamelin. « Je remplis les mêmes fonctions auprès de son fils. » « Je vous écoute à présent et je sais à qui j'ai affaire. Le marquis de Kerdal m'a souvent parlé de vous comme d'un serviteur fidèle et dévoué. Je savais, en venant près de vous, poursuivit Pedro, que ce n'était pas seulement au notaire, mais à l'ami de monsieur le marquis que je m'adressais, et je suis enchanté de la bonne opinion que vous avez de moi. Cela me donnera le courage dont j'ai besoin pour la confidence que j'ai à vous faire. Voici en peu de mots ce qui m'amène. Un grand danger menace la nièce de monsieur Kerdal. Le vieux notaire, en entendant ces paroles, fit un soubresaut. Pedro Diaz, après un court silence, poursuivit en ces termes. Je vous ai dit qu'un grand danger menaçait la nièce de monsieur le marquis. Je m'explique. Sachez donc que son mari est en train de se ruiner, s'il ne l'est déjà. Que m'apprenez-vous là ? Dit maître Amelin tout bouleversé. S'il s'était borné à compromettre son avoir personnel, continua le Texien, j'aurais peut-être gardé le silence. Mais la fortune de sa femme se trouve en ce moment gravement compromise. Comment cela ? Le duc de Clodion, et Pedro fit une légère contraction en donnant cette qualification au bâtard, est sous la domination de l'une de ces infâmes créatures dont la mission est de dévorer le patrimoine des familles riches. Une créole, qui se fait appeler Madame de San Loco. Elle a connu le jeune duc au Mexique, et c'est par son ordre qu'il a quitté le château de Kerdal pour venir habiter Paris. Ce que vous me dites là est en effet fort grave, reprit le vieux notaire. Et il serait urgent d'avertir Monsieur le Marquis afin qu'il mette bon ordre à une liaison si dangereuse. Ainsi, la fortune du duc est, vous le croyez, fortement endommagée. Une partie de la succession du feu duc de Clodion a passé, j'en suis certain, dans les mains de cette créole. Le duc actuel ne possède plus rien, que des dettes, et d'après une conversation qu'ils ont eue tous les deux et que j'ai entendue, c'est à la fortune de Madame la Duchesse qu'ils veulent s'attaquer aujourd'hui. Lorsque le duc a quitté Paris pour venir au château de Kerdal, la créole lui a remis une procuration qu'il doit faire signer à sa femme. Et cette procuration lui permettra de vendre les immeubles de la duchesse. Mais c'est une machination abominable, s'écria maître Amelin indigné. Je ferai intervenir la justice. Gardez-vous-en bien, reprit Pedro. Ce scandale aura peut-être un résultat tout opposé à celui que vous en attendriez. Il ne servirait qu'à hâter l'exécution du projet criminel de cette Madame de San Loco. Mais alors, que faire ? Selon moi, le mieux serait de prévenir monsieur le marquis de Kerdal. Il est l'oncle et l'ancien tuteur de Madame la Duchesse, et en cette double qualité, il obtiendra facilement d'elle qu'elle ne signe pas cette procuration. Le vieux notaire réfléchit pendant quelques instants. Vous avez raison. Je verrai aujourd'hui même le marquis, et je l'informerai de ce qui se passe. Surtout, reprit le Texien, ne prononcez pas mon nom devant le duc. Il importe qu'il ignore mon immixtion dans ses affaires. Soyez tranquille, mon brave Pedro, repartit maître Amelin, et retournez à Paris. Toutefois, si vous découvriez quelque nouvelle infamie dans le genre de celle que vous venez de me dévoiler, mandez-le-moi en toute hâte et en toute confiance. C'est moi qui décachète toutes mes lettres. Comptez sur moi, répondit Pedro Diaz. Pendant que Pedro montait dans le train de vanne à Paris, maître Amelin enfourchait un vigoureux poney breton et prenait le chemin du château de Kerdal. Lorsqu'il arriva au vieux manoir, le médecin du marquis en sortait. « Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade ?» lui demanda le notaire. « Toute la famille se porte à merveille, » répondit le docteur en souriant. « Seulement le nombre vient d'en être augmenté cette nuit, Madame la Duchesse. Et depuis 12 heures, maman d'une superbe petite fille qui est en train de faire connaissance avec sa nourrice. » La nouvelle que maître Amelin venait d'apprendre ne modifia en rien ses résolutions. Il donna son cheval à un palefrenier et se fit annoncer chez le marquis. Le brave gentilhomme était dans le ravissement. Il aurait sans aucun doute préféré un garçon qui continuerait le grand nom des Clodion, mais il s'était bien vite consolé en pensant que l'avenir réparait les torts du présent. Maître Amelin le trouva donc dans un accès de charmante humeur lorsqu'il se présenta devant lui. « Quel bon vous amène, mon cher Tabellion ?» lui dit-il en le voyant entrer. « Bon vent, Ce n'est pas tout à fait cela, répondit le notaire, et j'ai comme un remords de venir troubler la joie que vous cause l'heureuse délivrance de Madame la Duchesse. Une de mes fermes aurait-elle brûlé ? Demanda le marquis en remarquant l'air embarrassé de maître Amelin. C'est pire. Alors dépêchez-vous de me dire la chose, repartit le bouillant gentilhomme. Je n'irai pas par 4 chemins, monsieur le marquis, continua le vieux notaire. Monsieur le duc, votre neveu, a une maîtresse à Paris. Oh ! Et son père qui me le représentait comme une vestale. Mais non, non, c'est impossible, mon cher Amelin. J'aurais voulu que vous fussiez ici lorsqu'il est arrivé. Il était comme fou de joie en retrouvant Fernande, et quand il s'est vu père, c'était des transports. Il riait et pleurait tout à la fois. Une comédie qu'il jouait, mais ce n'est pas tout. À Paris, les maîtresses coûtent fort cher. Eh bien, la drôlesse dont s'est entiché monsieur le duc lui a fait faire des folies. Hein ? Fit le marquis en dressant l'oreille. Des folies qui ont fortement compromis sa fortune. Allons donc, elle est fondue à cette heure. Vous plaisantez, je crois. De plus, il s'est endetté. Pas possible. Il s'apprête maintenant à dévorer le patrimoine de la duchesse. Qu'il essaye, et nous verrons bien, dit le marquis de Kerdal avec un geste de colère. Puis il ajouta. Mais de qui tenez-vous tous ces renseignements ? C'est Pedro Diaz qui est venu tout exprès à Vannes pour m'informer de ce qui se passe. Alors tout cela est malheureusement vrai, puisque Pedro vous l'a dit. Ah, mon cher Hamelin, comme vous avez sagement fait d'introduire dans le contrat cette clause que le duc ne pourra aliéner les biens de la duchesse sans avoir été dûment autorisé par elle. Ah, mon ami, vous êtes le sauveur de ma chère Fernande. Monsieur le marquis, répondit le vieux notaire, ma visite n'avait d'autre but que de vous signaler le danger. Vous le connaissez. C'est à vous maintenant à recommander à madame la duchesse de ne signer aucun acte avant de vous l'avoir préalablement présenté. Soyez tranquille, dit le gentilhomme, je n'y manquerai pas. Mais quelle est donc cette femme qui a tourné la tête au duc jusqu'au point de l'amener à concevoir une pareille infamie? Elle s'intitule madame de Sanlouco, ce qui est un mensonge car madame de Sanlouco, mais nous la connaissons. Elle est venue il y a 5 ou 6 mois au château, sous le prétexte de complimenter mon neveu au sujet de son mariage. Une fort jolie femme, ma foi, ajouta le marquis, oubliant un instant la gravité de la situation. Voilà qui corrobore l'exactitude des renseignements de Pedro Diaz, reprit maître Hamelin. Et qui les confirme pleinement, répliqua le marquis, car c'est une 15aine de jours après la visite de cette dame que le duc a parlé d'aller à Paris. Mais voyons. Vous qui êtes un homme de bon conseil, que feriez-vous à ma place ? En premier lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'arrangerai de façon à ce que madame la duchesse ne donnât à aucun prix sa signature. Rien de plus facile, et sans lui dire, bien entendu, le fin mot de l'affaire. Ensuite, je voudrais savoir au juste ce que c'est que cette aventurière qui, après avoir ruiné votre neveu, menace aujourd'hui votre nièce dans sa fortune, et obtenir, si la chose est possible, de l'autorité judiciaire, qu'on la renvoya dans son pays dont elle n'aurait jamais dû sortir. Excellente idée, dit le marquis de Kerdal. Dès que l'état de Fernande me permettra de la quitter, j'irai à Paris, où, je vous le jure, je ne jouerai pas un rôle d'oncle de comédie. 10 jours après cet entretien, pendant que Don José faisait sa promenade à cheval sur la falaise, le vieux gentilhomme disait à sa nièce, « Ma chère Fernande, une affaire m'appelle à Paris pour une semaine ou deux, et avant de partir, je désirais que tu me fisses une promesse. Ton mari est d'excellente qualité, je le reconnais, mais il a un petit défaut. Lequel ? Fit la duchesse. Il ne calcule pas assez. Il a dépensé beaucoup pendant son dernier séjour à Paris. Oui, il a fait, m'a-t-il dit, de votre hôtel un véritable petit palais, à mon intention. Je ne le conteste pas. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que s'il s'entend merveille en fait d'architecture et d'ameublement, il est un fort mauvais administrateur. Et c'est pour me rendre compte de mon administration que je vais à Paris. Seulement, il ne faut pas qu'il se doute du motif de mon départ. Je vous promets le secret, mon cher oncle. Bien, à présent, tu vas me faire une autre promesse, celle de ne signer aucun papier en mon absence et lorsque je serai de retour, sans m'avoir consulté. Je vous le promets également. Voilà, ma chère enfant, ce que j'avais à te dire. C'est peu de chose, comme tu vois, est très facile à faire. Le lendemain, le marquis de Kerdal se mettait en route pour Paris.